Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour. Il est midi, ce 18 octobre, et vous vous préparez à écouter Radio Campus sur les 106,6 MHz et aussi sur campusville.com et DAB+. Angle d'attaque est une émission proposée par les trois comités locaux attaque de la métropole lilloise. Donc Angle d'attaque, ADTAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. ATTAC est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Et donc aujourd'hui, pour vous servir, on a Christian, Didier, Morgan et moi-même Florent. Et donc Christian, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, on va parler des 80 ans de la sécurité sociale. On a deux invités au téléphone, en visio, Bernard Tepper. Bonjour Bernard. Bonjour. Et l'autre invité, c'est André Delcroix, qui est celui qui connaît mieux la Sécu des gens qui sont dans le studio. André, tu vas faire l'introduction. Oui. Radio Campus accueille aujourd'hui par téléphone Bernard Tepper, qui est membre du conseil scientifique d'Attaque France et qui est militant au niveau national pour la laïcité, pour développer l'éducation populaire. La sécurité sociale a été créée par plusieurs ordonnances en 1945 et 1946, et grâce à l'action décisive du ministre Ambroise Croizat. La première ordonnance date du 4 octobre 1945, donc la Sécu a 80 ans. À l'origine de la Sécu, plusieurs ambitions ont d'abord été réalisées, mais par la suite... ça a été fortement abîmé, et ce qui a été abîmé notamment, c'est une sécurité sociale unitaire, la démocratie sociale avec des caisses de sécu qui étaient gérées majoritairement par les travailleurs, maintenant c'est malheureusement plutôt l'État qui dirige, un financement autonome par la cotisation sociale qui était la garantie d'un salaire socialisé pour tous les événements difficiles de la vie, la prise en charge de tous les soins nécessaires selon le principe... Vous recevrez selon vos besoins. Donc, c'était sans limitation budgétaire. Donc, c'est maintenant, les gouvernements font le contraire. Ils ont une obsession continuelle de la réduction des services publics, la réduction des dépenses publiques, dont les médias nous parlent beaucoup trop volontiers. Notre invité Bernard va exposer l'histoire de cette conquête sociale extraordinaire, qui était la Sécu. Ses principes fondamentaux et les attaques multiples contre elle par le patronat et plusieurs gouvernements. Bernard parlera ensuite des alternatives dangereuses proposées par le patronat, les compagnies d'assurance et les fonds de pension. Il parlera du trou de la Sécu, prétendu trou de la Sécu plutôt, et d'autres menaces, le PLFSS 2026. Et enfin, je pense que Bernard va conclure par le choix... Il me paraît nécessaire une offensive citoyenne pour que nous reprenions en main notre sécu. Merci. Didier, peut-être ? Oui, bonjour Bernard. Bonjour. On s'est déjà vu à Tacrobet-Tourcoing, notamment dans des débats publics. Donc, sans refaire forcément l'historique, est-ce que tu peux, pour reprendre un peu ce qu'a dit André, est-ce que tu peux développer les principes majeurs de la sécurité sociale, à savoir à chacun selon ses besoins, la cotisation plutôt que l'impôt, et les principes de la gestion par les travailleurs, au moins au début. Donc, qu'est-ce qui a présidé à ces choix et surtout, qu'est-ce qui a permis leur mise en place ? Alors, ce qui a permis... la mise en place de la Sécu, c'est d'abord un rapport de force exceptionnel du camp du travail à la libération. C'est-à-dire que lors de la libération, le grand patronat rasait les murs. Et pour tout simplement parce que une bonne partie d'entre eux avaient collaboré et que donc ils n'étaient pas en mesure de s'opposer à ce projet citoyen qui était la sécurité sociale. Donc il faut savoir bien sûr que à la Libération la gauche était majoritaire, le Parti communiste était le parti le plus puissant, puisqu'il sortait renforcé par la résistance. Et le donc, parti des fusillés, on disait. Hein. Comment ? Le parti des fusillés, on disait. Oui, absolument. Oui, c'était quand même la plus grande partie de la résistance, même si la résistance a été réalisé par des gens très divers, de gauche, de droite, etc. N'empêche que les forces les plus importantes étaient en fait la CGT et le Parti communiste à l'époque. Mmh. Voilà. Donc ça a permis le programme du Conseil national de la résistance qui a été publié le 15 mars 1944. Ce programme du Conseil national de la résistance était le programme le plus avancé de toute l'histoire de France, et ça le reste encore aujourd'hui. Et donc, dès la prise de pouvoir par le Conseil national de la résistance et par son président, le général de Gaulle, eh bien, le Conseil national de la résistance a appliqué son programme. Mmh. C'est d'ailleurs une des rares fois où les programmes ont été appliqués. Hein, souvent, les gens se font élire sur un programme et ne l'appliquent pas dès qu'ils sont au pouvoir. Mais là, ça a été effectivement le cas. Et même De Gaulle, qui n'était pas très favorable à la sécurité sociale, il l'a montré par la suite, à respecter en fait le programme du Conseil national de la résistance. Et donc, il y a eu les quatre conditions révolutionnaires que André a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que la gestion par les représentants élus des travailleurs. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'idée était la suivante. On élisait des députés pour gérer le budget de l'État, oui. Et on faisait une élection à la Sécu pour gérer le budget de la Sécu. Mmh. Il y avait donc deux budgets à gérer et deux élections différentes pour élire les gestionnaires de l'État d'un côté et bien évidemment de l'autre côté la sécurité sociale. Et cette, je mets des guillemets au mot que je vais utiliser, c'était une sorte d'autogestion généralisée sur le territoire national. Je suis d'ailleurs assez surpris de voir que ceux qui défendent l'autogestion aujourd'hui ne parlent pas très souvent de revenir à une gestion de la sécurité sociale par les travailleurs. C'est vrai. Et ça existait pendant plus de 20 ans, c'est-à-dire que ce n'est pas une petite opération qui a duré quelques dizaines de jours. Ça a commencé par les ordonnances du général de Gaulle en 1945, comme l'a dit André Delcroix tout à l'heure, et puis ça s'est fini lorsque le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1967, et qu'il a fait des ordonnances contre la Sécu à cette époque. Voilà. Ouais. Donc, la deuxième, c'est effectivement l'application du principe de solidarité, à chacun selon ses besoins, et chacun y contribue selon ses moyens. Ouais. La troisième, c'était effectivement la cotisation. Le financement par le salaire socialisé, c'est-à-dire les cotisations sociales. Et puis la quatrième, c'était l'unicité de la caisse, c'est-à-dire que la caisse de sécurité sociale était une caisse unique. alors qu'aujourd'hui, elle est divisée en 5 branches. Mmh. Voilà, c'était les 4 conditions révolutionnaires qui, en fait, ont été détruites pour 3,5 d'entre elles. Il ne reste plus que la moitié du salaire socialisé qui finance la Sécu. D'accord. Tout le reste a disparu. Et principalement, a disparu en 1967, qui est l'année noire. Avec Jeanne Ney, là. C'est effectivement tout à fait. C'est dont les ordonnances Jeanne Ney, qui était ministre du général de Gaulle. Mais en réalité, c'est des ordonnances qui ont été impulsées par le général de Gaulle lui-même, qui a détruit les ordonnances qu'il avait... D'accord. Qu'il avait posté en 1945. Mais on va revenir sur Jeanne Ney, mais bon, on imagine que la sécurité sociale, c'est quand même un progrès social qui ne convient pas du tout à la droite et qui leur a jamais convenu, en tout cas. Tout à fait. Mais c'est même ce que tu viens de dire est terriblement juste. Parce qu'en réalité, toutes les réformes de 1945 sont toutes des réformes qui peuvent s'appliquer à l'intérieur du système capitaliste. Mmh. Sauf une, celle de la sécurité sociale. La sécurité sociale est une création anticapitaliste. Et là encore, je m'étonne que des forces sociales et politiques qui se disent anticapitalistes ne défendent pas tellement la plus grande avancée anticapitaliste qu'il y a eu en France et dans le monde, c'est en fait la sécurité sociale à la française. Mmh. Parce que ça n'a... Il y a eu des avancées des différents types de sécurité sociale dans le monde, mais aucune dans le monde n'a été gérée par les travailleurs pendant 20 ans. C'est une véritable émancipation du pouvoir du capital, en fait. Absolument. Et on peut dire même la chose suivante, c'est que les plus grandes avancées sociales ont eu lieu en France entre 1945 et 1967. C'est-à-dire pendant ces 20 ans, plus de 20 ans, où la sécurité sociale a été gérée par les travailleurs, eh bien... Il y a eu les plus grandes avancées en termes d'espérance de vie, un écroulement de la mortalité infantile, un écroulement de la mortalité maternelle, etc., etc. Donc, on a, je dirais, plusieurs dizaines de chiffres pour montrer l'avancée sociale que ça a fonctionné. Et on voit, et comme l'a dit André tout à l'heure, il y a eu plusieurs dizaines de contre-réformes depuis 1967 à nos jours. Et là, il y a eu un recul social. J'ai parlé de la mortalité infantile. Eh bien, il faut que vous sachiez que nous étions, grâce à la sécurité sociale, le pays où la mortalité infantile, c'est-à-dire les décès des bébés entre 0 et 1 an, la plus faible d'Europe avec les pays d'Europe du Nord, et qu'aujourd'hui, on est 23e sur 27 au niveau de l'Union européenne, et si les courbes d'augmentation de la mortalité infantile continuent, eh bien, nous allons bientôt être champions d'Europe de la mortalité infantile. Nous sommes déjà champions d'Europe du nombre de décès dans les entreprises. De mort au travail, oui. De mort au travail. Il y a 2 morts par jour au travail, stricto sensu. Et si on ajoute les décès dans les transports, eh bien, nous sommes un pays où il y a 3 décès par jour. Et donc, c'est un des chiffres les plus importants. Et là encore, on est en train d'être en haut du podium du nombre de décès de travailleurs au travail. Oui, je suis effectivement cette actualité-là un peu sinistre, mais de 83, 84 et 80, 82, 83, 84, le nombre de morts au travail n'a cessé d'augmenter. On est à 783, c'est en 2024. Absolument. C'est assez significatif. Donc sur la sécu aujourd'hui, Christian, sur les alternatives libérales qui ont été promues par la droite essentiellement, par le patronat. Donc effectivement, tu viens de nous dire, depuis 1967, ça a été des attaques contre le système social en soi, à partir des réformes Jeanneney. Puis on peut parler de Juppé, de la loi HPTS. HPTS, tu peux rappeler de quoi il s'agit ? Bien sûr. En fait, les trois lois qui viennent d'être nommées à l'instant, c'est-à-dire les ordonnances Jeanneney du général de Gaulle de 67, la réforme Juppé de 95 et la loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire, loi Sarkozy-Bachelot, eh bien, ce sont les trois lois qui ont permis l'étatisation de la sécurité sociale. C'est très important à comprendre parce qu'on ne peut pas privatiser, on ne peut pas marchandiser ce qui appartient au peuple. Par contre, on peut marchandiser, on peut privatiser ce qui appartient à l'État. C'est là qu'il faut faire une différence politique. Et donc, ceux qui veulent détruire la sécurité sociale ont commencé par étatiser la sécurité sociale. Et donc, elle est complètement étatisée avec l'intervention du président Nicolas Sarkozy, avec la loi Bachelot, Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Cette loi, elle fait plusieurs choses. La première chose, c'est qu'elle transforme l'hôpital en hôpital-entreprise. La deuxième chose, c'est qu'elle crée les agences régionales de santé qui sont une sorte de centre de décision sur tous les problèmes de la santé. Voilà. Et puis, c'est une loi qui, en fait, diminue le pouvoir médical au sein de l'hôpital pour le donner à des gestionnaires. C'est-à-dire, depuis cette loi, il est relativement facile que les directeurs d'hôpitaux soient, par exemple, anciennement directeurs de Carrefour, Auchan, etc. Donc, des directeurs habitués à la gestion pure et dure, eh bien, deviennent directeurs d'hôpitaux, et plusieurs d'entre eux, je le montre en général dans mes diaporamas, estiment que maintenant on gère un hôpital comme on gère un aéroport. Mais voilà. En même temps, il y a aussi cette critique qui est souvent faite de la bureaucratie aussi dans les hôpitaux. Oui, alors ça c'est tout à fait juste. Et c'est une critique en partie justifiée. Tout simplement parce que pour transformer l'hôpital en hôpital-entreprise, par exemple, il faut créer à l'intérieur de l'hôpital chaque service en centre de profit. Et donc, à partir du moment où vous estimez que chaque service est un centre de profit, ça veut dire que chaque service doit être rentable. C'est-à-dire que, alors que, au départ, la sécurité sociale, d'abord, s'appuyait sur les besoins sociaux et les besoins médicaux, eh bien, aujourd'hui, on s'intéresse à la rentabilité des centres de profit de tous les services publics financés par la sécurité sociale. Voilà. Et donc, quand on a comme priorité d'augmenter le taux de profit, c'est en général au détriment des besoins sociaux. Donc on est bien d'accord, il ne s'agit pas juste d'être à l'équilibre sur le budget, mais de faire de l'argent en fait. Oui, c'est ça. D'accord. D'ailleurs, D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très, très simple. Déjà aujourd'hui, vous avez, si on prend la santé, parce que ce qu'il faut voir, c'est que la sécurité sociale, c'est pas seulement la carte vitale. Hein. La sécurité sociale, c'est principalement autre chose que la santé. Hein, je le dis parce que dans la sécurité sociale, 666 milliards d'euros de budget par an, dont 260 pour la santé et 400 milliards pour tout le reste. Hein, donc la sécurité sociale, c'est la protection. C'est la protection, l'idée de la Sécu, c'est la protection généralisée de la naissance à la mort de tous les travailleurs et de leurs familles. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement la santé. Mais si on prend la santé, bah, on voit bien la différence qu'il y a entre une clinique privée à but lucratif et un hôpital qui n'est pas à but lucratif. On le voit bien. C'est-à-dire... Eh bien, ce qui se passe, c'est que les cliniques privées à but lucratif, eh bien, s'intéressent aux pathologies rentables et laissent l'hôpital gérer les pathologies non rentables. Les plus compliquées, en fait. Comment ? Les plus compliquées, en fait. Bien évidemment, les plus compliquées et là où il y a le plus d'investissement. En fait, ce qui intéresse le privé, c'est d'avoir le plus haut taux de profit avec les investissements minimums. Voilà. Alors, on le voit déjà entre les cliniques privées et l'hôpital. Les cliniques privées, d'ailleurs, choisissent leurs clients, donc les plus rentables. D'ailleurs, c'est comme l'école, hein, parce qu'il reste aujourd'hui plus que deux grands secteurs socialisés en France, c'est la sécurité sociale et l'école. Tout le reste a été privatisé. Bon, eh bien, l'école, c'est pareil. L'école privée confessionnelle devient de plus en plus une école de la grande bourgeoisie. 15% d'augmentation des enfants de CSP+ en 15 ans. Et c'est pareil dans les cliniques privées à but lucratif pour les actionnaires. Voilà. Donc, on le voit, bien évidemment, le projet patronal, c'est de supprimer la sécurité sociale. Ou plutôt, de privatiser les profits et socialiser les pertes. C'est-à-dire de laisser dans la sécurité sociale et dans certains services publics ce qui n'est pas rentable et qui est donc très souvent déficitaire, et de prendre les parties rentables. Je prends un exemple dans la santé. La petite chirurgie est aujourd'hui faite à 80% par les cliniques privées à but lucratif pour les actionnaires. Ce qui montre bien qu'en choisissant ses clients, bah, ils choisissent les pathologies les plus rentables. Là, du coup, moi, ça me fait penser typiquement aux interventions de chirurgie qui peuvent se faire en ambulatoire, c'est-à-dire on rentre le matin dans le service, on repart le soir, il n'y a pas besoin de passer des nuits à l'hôpital, alors que bon, c'est vrai qu'avant, le médecin prêt à donner plusieurs jours passés dans le service par observation ou autre. Bon, ça fait que le côté positif, c'est que du coup, c'est des interventions qui sont moins invasives, qui sont peut-être moins risquées. Mais effectivement, du coup, on se retrouve avec une logique de marchandisation et d'interventions qui sont très intéressantes, qui sont très lucratives à faire, en fait. Tout à fait. Je partage complètement cette idée-là. Et d'ailleurs, tout est fait pour ça. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que la tarification, ce qu'on appelle la tarification à l'activité dans le secteur hospitalier, et dans les secteurs des cliniques, par exemple, eh bien, ce que fait le capitalisme, eh bien, c'est très simple, c'est que chaque acte a un prix. Alors, ce que font majoritairement les cliniques privées est en général bien rémunéré. Et ce que fait l'hôpital est mal rémunéré. Le résultat, eh bien, c'est qu'effectivement, la dette des hôpitaux publics augmente et les dividendes des actionnaires dans les cliniques privées augmentent également. Est-ce que tu peux revenir sur le contenu des réformes Jeanneney et Juppé, donc, qui ont quand même été extrêmement nocifs pour la sécurité sociale. Donc on est loin du... Bon, il y a le premier ministre anglais qui s'appelait Clement Attlee qui avait dit la sécurité du berceau au tombeau. Avec ça, on est très loin. Hein, on en est très loin. Oui, bien sûr. En fait, ce que font les ordonnances Jeanneney, la première chose et la plus importante, c'est qu'effectivement, ça supprime la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs. En faisant une chose, en inventant un nouveau mode de gestion qui s'appelle le paritarisme. C'est-à-dire que sur les ordonnances de 45, tous les conseils d'administration de toutes les caisses locales, départementales, nationales, les travailleurs ont 75% de tous les postes. Les 25% qui restent, c'est tout le reste. C'est l'État, le patron, les complémentaires santé, etc. Eh bien, ce qu'ils inventent, c'est qu'ils disent, eh bien, on va faire maintenant 50-50. Mais le problème, c'est que le patronat est unifié. Donc lui, les 50%, ils sont toujours dans le même sens. Et le mouvement syndical est divisé. Et donc, il suffit que le patronat achète le syndicat le plus complaisant de la période pour être majoritaire et pour inverser toutes les présidences. Et c'est ce qui s'est passé. Le patronat, dans le paritarisme, à l'époque, s'était associé à Force ouvrière. Ensuite, ça a été la CFDT, et Force ouvrière est redevenue un peu plus revendicatif. Voilà. Et donc, ça veut dire que, à l'époque de 42, disons des fins des années 40, il faut comprendre qu'il y a que deux syndicats qui existent, la CFTC et la CGT. Et donc, les présidences des caisses, c'est la CGT. Et bien évidemment, dès 67, toutes les majorités basculent, la CGT perd pratiquement toutes ses présidences, et à ce moment-là, eh bien, ça devient des présidences sur une alliance, au début patronat-force ouvrière, qui se crée en fait en 1947, Et puis, lorsque la force ouvrière retrouve une capacité revendicative, eh ben, ça devient des présidences patronat CFDT. Voilà. Donc, c'est un changement majeur. Le deuxième changement, c'est la fin de l'unicité des caisses, c'est-à-dire toutes les branches deviennent plus autonomes. Voilà. Et c'est bien l'idée générale, c'est-à-dire qu'il faut que chaque caisse devienne rentable. Donc forcément, il faut déjà les séparer. Voilà. D'accord. Et ce qu'il y a eu après 1967, c'est qu'il y a eu un arrêt des élections. C'est-à-dire à ce moment-là, y compris les syndicats, ils n'étaient pas élus, ils étaient nommés par leur syndicat. Et on disait, par exemple, c'est le cas aujourd'hui, la CGT a deux postes d'administrateurs dans telle caisse, on demandait à la CGT de nommer les deux. Pareil pour la CFTC, pareil pour la CFDT, pareil pour, je dirais, tous les syndicats dits représentatifs. Voilà. Donc, ça a été un changement vraiment, vraiment énorme. Voilà. C'est-à-dire que déjà là, l'unicité... et puis, il a eu le début du fait qu'il fallait, commencer à être un peu rentable. Et donc, forcément, la satisfaction des besoins existait toujours, mais l'était de moins en moins. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, les ordonnances Jeannet. Et on fait comme si le paritarisme, c'était... l'alpha et l'oméga, non. Dans la sécurité sociale, on a commencé par la gestion directe par les travailleurs élus par les assurés sociaux. Bernard, est-ce que tu peux nous parler des fausses alternatives qui nous sont proposées et dont on parle un peu trop dans les médias? C'est-à-dire, par exemple, la capitalisation pour les retraites, Et puis le rôle des assurances privées et des mutuelles qui sont toujours favorisées par rapport à la Sécu. Ouais, après moi je pense que le risque il est plus sur la retraite à points, comme on dit, que sur le risque de capitalisation. C'est ça qui va nous vendre, d'après ce que j'ai lu dans l'actualité. Ils veulent faire une réforme pour mettre en place, pour remplacer la part Sécu des retraites par une retraite à points. Parce qu'ils ne vont pas oser faire le truc par le privé, ça, c'est trop gros. Mais à point, ça peut très bien passer parce que les gens ne vont pas comprendre l'enjeu de ce référendum, peut-être. Ouais, et alors, j'ajouterais peut-être le fait que... Effectivement, le grand patronat a une idée très claire. Mais depuis 1945, hein. Bon, au début, ils rasaient les murs pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Mais ensuite, et puis ils ont des alliés. C'est-à-dire le grand patronat a des alliés. Au départ de la sécurité sociale, dont les promoteurs voulaient aller encore plus loin, mais il y avait déjà des opposants. Le premier opposant à la sécurité sociale, c'est la Fédération nationale de la mutualité française. Je rappelle d'ailleurs que la mutualité française a collaboré avec le maréchal Pétain. Mais bien évidemment, lorsque la Sécu se crée, elle prend la place de la mutualité. Parce que les 2 millions de Français qui avaient une sécurité sociale, qu'elle n'était pas généralisée par la loi, par les lois de 1928 à 1932, mais qui couvraient que 2 millions de personnes en France, bah c'était les mutuelles qu'ils géraient. Et quand la sécurité sociale arrive, eh bien elle récupère, je dirais, la gestion des mutuelles, d'où l'opposition. Voilà. Alors, les alliés du patronat, c'était la mutualité française, qui reste un adversaire résolu de la sécurité sociale. C'était les paysans propriétaires. Je dis ça parce que les ouvriers agricoles, bien sûr, étaient plutôt favorables à la sécurité sociale. Et puis, ce qu'on appelle les indépendants et les libéraux. Voilà, qui eux se sont toujours opposés à la sécurité sociale, mais comme les indépendants et les paysans ont de moins en moins de ressources, eh bien, aujourd'hui, on les entend moins parce que c'est bien sûr le régime général de la sécurité sociale qui paye pour eux. Donc ces gens-là ont toujours été des partenaires du grand patronat. Et bien évidemment, tous ces partenaires, eh bien, ils ont des soutiens aujourd'hui syndicaux et politiques. La mutualité française, elle est ouvertement soutenue par un certain nombre de syndicats comme la CFDT, comme la CFTC, etc., etc., par exemple. Et puis, bien sûr, la droite, dès qu'elle a pu faire oublier qu'elle avait collaboré dans sa majorité, c'est pas vrai pour tout le monde, hein. On a quand même des exemples historiques, hein, de patrons qui étaient proches de la résistance, il faut dire la vérité. Mais la grande majorité, c'était clair. Voilà. Et donc, la droite s'est opposée et donc a plutôt été du côté du grand patronat. Et puis, à partir d'une autre date fatidique, qui est 1983, eh ben, qui est le début du néolibéralisme en France, 4 ans plus tard que les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est notre révolution conservatrice, en fait. Comment ? C'est notre révolution conservatrice. Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Et donc, à partir de là, les partis de gauche dits de gouvernement, eh ben, se sont rapprochés en fait du patronat et bah, du reste, ce qui fait qu'aujourd'hui, le grand patronat a quand même des soutiens assez puissants dans le mouvement syndical, dans les partis politiques, etc. Et puis, et que donc, bah, ils ont un rapport de force aujourd'hui plutôt positif. Et comme les historiens montrent bien que l'extrême droite ne monte que lorsque c'est l'extrême centre qui lui ouvre la place, eh bien, bien sûr, nous avons récemment, puisque c'était il y a quoi, trois semaines, nous avons un président du MEDEF, Patrick Martin, qui a fait une déclaration politique qui a duré 1 heure et demie, où il a fait le programme politique de la future union de toutes les droites, RN compris. Et il a même rajouté qu'il y avait 3 personnes qui étaient suffisamment intelligentes pour comprendre l'intérêt de la pensée du MEDEF, c'était Attal, Retailleau et Bardella. Super. Voilà. Pas Édouard Philippe. Donc, derrière ça, on voit bien vers où ils vont. Et bien évidemment, toutes les contre-réformes, la grande force du patronat et de leurs alliés, c'est qu'ils ont un projet depuis 1947, ils ont le projet de privatiser les profits et de socialiser les pertes dans la sécurité sociale et dans les dizaines de services publics qui sont financés. Et là, il y a déjà une 40aine de contre-réformes qu'il y a eu, pratiquement, il y en a presque une par an. Voilà. Celle qui est en cours, c'est la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Mmh. Et ce que je peux vous dire, la protection sociale complémentaire des fonctionnaires aujourd'hui, c'était l'ANI, l'accord national interprofessionnel pour tout le secteur privé. Eh bien, sur la protection sociale complémentaire, tous les syndicats sans exception ont signé. Je répète. Oui. Tous les syndicats ont signé. Mais c'est quand même. Je répète encore une fois. Oui, j'entends. Tous les syndicats ont signé. Là, c'était pas simplement. Alors que le but, pour moi, c'était de renforcer les grandes compagnies d'assurance. Mmh. L'ANI comme la PSC, sur ce but-là, non ? C'est tout à fait ça, André. C'est-à-dire que le but, en fait, du patronat, qui a été dévoilé lors de l'interview de Denis Kessler dans la revue Challenge le 4 octobre 2007, c'est de détruire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance qui n'est pas encore... Il y a encore des pans entiers qui résistent. Donc, c'est ça, effectivement, le but, c'est de renforcer les complémentaires santé. Parce que déjà, je vous signale qu'en 2004, là, on était sous, je crois qu'on était sur Jacques Chirac, hein, quand même président de la République. Hein. C'est la loi d'Oust-Blazy. On a créé... Alors, pour comprendre l'opération, non, je vais partir du gouvernement qui a le plus privatisé de toute l'histoire de France. C'est le gouvernement Jospin. En 2001, on détruit le code de la mutualité, on remplace par le code assurantiel. En 2004, il y a la loi d'Oust-Blazy, on crée l'UNOCAM, Union nationale des organismes complémentaires à l'assurance maladie, c'est-à-dire que c'est une structure qui regroupe les assurances privées du MEDEF, les mutuelles, enfin la mutualité française, et puis les instituts de prévoyance, c'est-à-dire les structures dites paritaires, patronat, syndicat, de gestion de la complémentaire. Voilà. Et donc, on veut renforcer ces complémentaires. Ces complémentaires s'hybrident entre elles. C'est-à-dire maintenant, vous avez des groupes de protection sociale qui sont formés de grandes mutuelles, d'assurances privées du MEDEF, comme AXA et d'autres, et puis également des structures paritaires, ce qu'on appelle les instituts de prévoyance. Quand ils sont renforcés, on les renforce par l'ANI, ça c'est la loi Hollande-Touraine. Ensuite, la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, c'est ce qui se passe en ce moment, qui doit être terminé en 2029. Et à ce moment-là, ce qui est prévu dans le plan patronal, c'est l'attaque directe contre la Sécu. C'est-à-dire faire la même chose que l'ANI et la protection sociale des complémentaires, c'est-à-dire faire des appels d'offres sous contrôle, bien sûr, patronal. Hein, uniquement patronal. Voilà. Et donc... Et donc faire des appels d'offres pour vendre la sécurité sociale par appartement. Alors on pourrait faire par pathologie ou par territoire. Ok, Bernard, on va peut-être pas rentrer dans les détails, comme ça on va pouvoir parler d'autre chose. Oui. Mais c'est vraiment très intéressant. Il faudrait peut-être faire une deuxième émission sur la sécurité. Tout ce que nous dit ne nous invite pas à l'optimisme. Et pourtant, ton dernier article où tu parles d'offensive nous semble quand même assez riche d'idées. Est-ce que en maintenant 3, 4, 5 minutes au maximum, tu peux nous expliquer ? Bah écoutez, c'est très simple. La sécurité sociale, 666 milliards d'euros de budget. C'est beaucoup plus important que le budget de l'État, tout ministère confondu. Mmh. 510 milliards pour le budget de l'État, 666 pour la Sécu. Qui contient toutes les branches. Hein. Branche santé, branche retraite, branche familiale. Oui, et branche accident du travail, maladie professionnelle, et également la dernière branche qui est rentrée dans la Sécu le 7 août 2020. Autonomie. C'est la branche autonomie qui fait déjà 42 milliards, qui bien évidemment devrait plutôt gérer 80 milliards pour répondre aux besoins, parce que je vous rappelle que la sécurité sociale, c'est la protection de la naissance à la mort. C'est-à-dire le problème des EHPAD, les EHPAD, sont en partie financés par la Sécu. Les hôpitaux sont financés par la Sécu. La petite enfance et les crèches sont principalement financées par la Sécu. La première chose à faire, c'est de dire ce que finance la Sécu. Tous ceux qui mettent leurs enfants dans des crèches, qui touchent des subventions pour financer leur nounou, jusqu'à mettre les personnes âgées dépendantes dans des EHPAD, eh bien tout ça, il y a une part importante de financement par la Sécu. Voilà, donc ça c'est la première chose à dire. Tu veux dire, il faut plus d'informations de toute façon et plus de conviction pour informer. Mais bien sûr, parce que depuis que la Sécu est étatisée, bon, pour l'instant, ils n'ont pas fait fusionner les deux budgets. C'est pour ça qu'il y a le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de sécurité sociale. Bon, mais ils veulent le faire, hein. Il te reste deux minutes. Comme en Allemagne, comme partout. Bon, donc, c'est le premier budget humain. Et est-ce que vous avez remarqué que quand on fait des sondages, jamais on met dans les sondages la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on groupe la santé, les retraites, la branche famille. Je rappelle que la branche famille, c'est des prestations logement, c'est des prestations précarité, c'est des prestations pauvreté, c'est le financement principal des centres sociaux, etc., etc. Bon. Eh bien, disons-le franchement. La sécurité sociale a été pensée comme étant la pierre angulaire d'une société post-capitaliste. C'est ça la réalité. Il y a un lien direct entre la refondation de la sécurité sociale selon ses principes d'origine. Je dis bien principe parce que le monde a changé. On ne peut pas tout reconstruire à l'identique. C'est la pierre angulaire de la République sociale. Voilà, c'est-à-dire pour ceux qui ont construit la sécurité sociale, eh bien c'était ça. On voulait une République sociale et la pierre angulaire, c'est la sécurité sociale. Et comme ça va être, et ça l'est aujourd'hui, le principal budget, je rappelle que le slogan de la CGT des années 50, 60, c'était « La Sécu est à nous ». Parce que bien évidemment, c'était géré par eux, c'est eux qui présentaient les listes, etc. etc. Oui, donc c'est aussi un enjeu aujourd'hui, du coup, de dire que la Sécu est à nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'il faut retenir, on va terminer là-dessus, sur ce que tu as dit, sur la Sécu, est un instrument important du post-capitalisme, c'est ça? Absolument, absolument. C'est tout à fait ça. C'est même, c'est le... Parce que la protection des travailleurs et de leurs familles, de la naissance à la mort, c'est une demande prioritaire des travailleurs. Toutes les études d'opinion, bon, malheureusement, elles sont tronquées, on voit que ce qui compte en priorité... C'est salaire, conditions de travail, et deuxièmement, tout ce que fait la Sécu. Entendu. Merci Bernard pour cet exposé brillant de l'histoire de la Sécu. Désolé de devoir t'interrompre, effectivement, mais je pense que tu as dit tout ce qu'on attendait de toi. Merci Bernard. En tout cas. Merci. Pour cette belle émission. Peut-être à bientôt. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Soyons solidaires. vivons tous ensemble, car tu me ressembles. Nous sommes tous des frères, soyons solidaires. Vivons tous ensemble, car tu me ressembles. Brisons les barrières, les barreaux de fer. On peut tous le faire, car nous sommes des frères. Brisons toutes les cages, soyons tous plus sages. Refusons la guerre, acceptons nos frères. Nous sommes tous des frères, soyons solidaires, vivons tous ensemble, car tu me ressens. Blanc ou noir, je suis ton miroir, beau ou laid, tu dois m'accepter. Pourquoi me rejeter, pourquoi me tuer, tu dois m'accepter, car je suis ton frère. Nous sommes tous des frères. T'es un peu pressé avec le temps. Eh bien, nous sommes tous des frères. Et si l'enregistrement n'est pas très bon, il faut quand même le savoir. C'est quelque chose qui vient d'une école, et pas n'importe laquelle école. C'est un lycée secondaire de Hafouz, en Tunisie, où c'est des enfants donc, qui ont écrit cette chanson ensemble. Nous sommes tous des frères. Sur la musique de « Quand je vois dans tes yeux », sous la production, avec la direction du professeur Oui. W-I, je ne sais pas si ça, comment ça se prononce en arabe, mais bon. Voilà. Alors, on va passer aux actualités d'attaque. On commence par... Le National, donc, Attaque Nationale a toiletté ses statuts en ajoutant à ses objectifs économiques et sociaux le combat contre l'extrême droite et les luttes intersectionnelles, donc antiracistes, antisexistes, anticlassistes et anti-LGTB. L'association était déjà engagée dans ces luttes, mais elle a tenu à réaffirmer à travers ses statuts. On passe à Bloquons Tout. Donc, Attaque a participé au pot de départ de François Bayrou le 8 septembre et a soutenu l'appel Bloquons Tout, l'initiative de l'intersyndicale. Elle appelle à poursuivre et amplifier les mobilisations contre les politiques austéritaires dans les semaines et les mois à venir. En ce qui concerne la dette publique, ne nous laissons pas intoxiquer. Donc, Attaque Nationale a publié sur son site un argumentaire précis contre le chantage à la dette et les origines de cette dette qui tiennent largement à la politique de l'offre menée par Macron depuis 2017. Palestine, donc après la paix sous l'égide de Trump à Gaza, pour combien de temps ? Attaque appelle à amplifier le mouvement BDS et exige du gouvernement français et de l'Union européenne des sanctions contre Israël et les sociétés et banques complices. Sur la loi du plomb, malgré la demi-victoire remportée en juillet contre les acémiprides et les méga-bassines, la lutte continue contre le reste de la loi promulguée par Macron. Sur la lutte contre la 69, ce sont maintenant des partisans du projet qui agressent des militants investis dans cette lutte. Des anti-éco-terroristes, en quelque sorte, mais qui agissent en toute impunité. Il y a un dossier aussi sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans le dernier ligne d'attaque. Et sur la COP30 à Belém, une délégation d'attaque se prépare pour la COP30 à Belém, donc du 10 au 21 novembre, il s'agira de débattre et d'échanger sur les mouvements, avec les mouvements écologiques et sociaux du monde entier, afin de faire pression sur les États et les entreprises pour une bifurcation radicale des activités humaines. Eh bien, dis donc, tu as été super vite, Didier. Bon, ben moi, je me passe au local. Alors, Attaque Roubaix-Tourcoing lance une campagne contre l'austérité sur la nécessité de taxer les grandes fortunes. Diffusion au marché de l'Apple ce dimanche, demain, et le vendredi 24 octobre. Les trois attaques de la métropole vont se réunir bientôt, celle 30 octobre aussi, et dans l'ordre chronologique, on a beaucoup de six débats, trois au moins. Le premier, c'est le 23 octobre, Sound of Sudan, à la FAL de Roubaix, dans le cadre des rencontres militantes. Le 24 octobre, c'est au cinéma L'Univers, nous organisons quelque chose avec l'AFPS. Vous savez qu'on, nationalement, nous sommes liés avec l'AFPS. Et là, nous proposons le film From Ground Zero, qui est un documentaire sur Gaza en 22 courts-métrages et 22 auteurs différents. Ça peut être effectivement très intéressant. Je ne l'ai pas encore vu, mais ceux qui l'ont vu m'ont dit qu'ils allaient retourner le voir. Et le dernier, c'est Les doléances, pardon. Et ça, ce sera le 9 novembre. Le Doléance, nous avons proposé déjà ce film à l'univers, Attaque a proposé ce film à l'univers, le film de Hélène Desplanques. C'est là, pour le coup, organisé par la LDH et c'est sur les dépouillements des carnets, des cahiers sur Tourcoing et Roubaix. C'est à 17h le 9 novembre, le dimanche 9 novembre. Donc, ensuite. Au cinéma, les Frénois, merci de préciser ça, André. Les transports devraient être gratuits, en tout cas, c'est ce que défend Attaque Lille, Attaque Roubaix-Tourcoing et, l'espérons-nous, rejoint par Attaque Villeneuve-d'Ascq. On se bat dans un organisme national qui s'appelle l'UGDT, dont j'ai déjà parlé ici à ce micro, l'Union pour la gratuité et le développement des transports. Va se joindre à nous le comité Artois, où des communautés de communes sont passées à la gratuité ou s'apprêtent à le faire. Je parle évidemment des trois comités d'agglo du bassin minier. Je bafouille. Association. Attaque était très présente à la manifestation contre les coupes sombres, mesures menaçant la vie associative et les associations au plan financier comme au plan des libertés avec le contrat d'engagement républicain. C'était le samedi 11 octobre à Lille. Je ne peux pas oublier ça, c'est que à chaque manifestation maintenant, on nous oblige de nous inscrire à distance pour des pseudo-plans Vigipirates qui n'existent pas. Le plan existe, mais c'est les pirates, c'est les menaces qui n'existent pas. Donc, marché des résistances. Le marché des résistances climat, liberté, justice contre l'irresponsabilité des États et des entreprises face au réchauffement climatique, c'est le 28 septembre. C'était le 28 septembre, non pas déplacer les foules. C'est pourtant un combat essentiel que mène Attaque avec l'Alliance écologique et sociale qui lance une campagne contre la privatisation du rail et pour le fret ferroviaire. Je remplace une minute une camarade de d'Hémosphère. Alors, je note qu'en point essentiel, que c'est la rentrée anarchiste. Oui, tout à fait. Oui, il y a beaucoup de. C'est tout le week-end, ça a commencé jeudi. Tout le week-end, ça a commencé le 16. Et ça finit donc, moi, j'ai pointé deux thèmes pour dimanche. L'histoire du communisme libertaire à 14h, la projection du film anti-nucléaire. Les deux événements ont lieu à l'Anamorphose, 48 rue du Lompeau, à Lille-Fives, bien oui. sûr. Et cet après-midi, cet après-midi, il y a quelque chose de très intéressant, avec l'auteur Pierre-Benoît Roumaniou. Il vient ou pas ? Je ne sais pas. Ah bon. Donc, l'auteur du bouquin, en tout cas, « Traquer la police parisienne et les protestants en 1685 », c'est à la médiathèque Jean Lévy. Voilà, on a à peu près fait le tour des questions. Ah non, il y a quand même un point qu'il faut souligner de la part du mouvement ANAR. Un atelier d'autodéfense numérique sur les téléphones portables à 17h30 au Centre culturel libertaire 4 rue Colmar à Lille, comme chacun sait. On retrouvera ces informations complètes et précisées dans l'agenda alternatif d'Hémosphère, dont vous pouvez vous servir vous-même pour annoncer vos propres rendez-vous. Super, merci Christian. Et je rajoute que donc aujourd'hui, c'était la première fois qu'on avait invité en visio et non par téléphone comme on fait d'habitude. Ça nous a permis d'avoir une qualité, j'espère, je pense. Excellent. Beaucoup bien mieux et de pas avoir des problèmes qu'on a eu souvent avec le téléphone campus le téléphone maintenant devient désuet et donc il n'est plus entretenu sur le campus. En gros, pour faire simple. Et pour cette vision, on n'a pas utilisé Zoom, on n'a pas utilisé Teams de Microsoft, on a utilisé Jitsi, qui est un logiciel libre. Et donc, une alternative à tout ce que les GAFAM ne veulent nous imposer. On en reparlera dans cette nouvelle saison, dans une émission, j'espère, avec des invités très intéressants. Merci, bon week-end, et puis on se retrouve au mois de novembre, troisième samedi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.